Chapitre 6e. Dans l'exécution de son rapt, M. Dubuc n'avait pas si bien pris ses mesures que des soupçons ne se fussent éveillés dans le village. Au bruit de son carrosse, des paysans s'étaient mis aux fenêtres. La précipitation et les airs agités qui accompagnent d'ordinaire une action coupable avaient été remarqués. On reconnut tout à fait les signes d'un enlèvement lorsqu'on se fut communiqué ses observations entre voisins. On savait le retour de Claudine, et en ne la retrouvant plus chez elle, on comprit ce qui était arrivé. Dame Simone, sortie de sa prison, fut abordée à l'entrée du village par des commères pressés d'éclaircir ce mystère. Maître Simon rentra bientôt et se joignit au conciliabule. Comme il n'était qu'entre deux vins, et que sa raison ne paraissait pas trop endommagée, on lui conseilla de faire quelques démarches. L'occasion était belle d'employer le crédit qu'il prétendait avoir sur le prince de Condé. Il mit sans tarder son habit des dimanches et partit pour Saint-Maur où demeurait son Altesse. La nouvelle fronde succédait alors à l'ancienne et monsieur le prince en était l'âme. Autour de lui se remuait la cabale nombreuse et turbulente des petits maîtres qui avait remplacé celle des importants menée par monsieur de Beaufort. Quelques procédés maladroits de monsieur le cardinal, des paroles hautaines de la régente, avaient séparé le héros de Rocroi du parti de la cour et il s'apprêtait à donner de la tablature au ministre. 400 gentilshommes, jeunes, actifs, pourvus d'armes et de chevaux, et ne demandant qu'à s'en servir, trouvaient table ouverte à Saint-Maur et à l'hôtel de Condé. Jamais prince, hormis le feu cardinal de Richelieu, n'avait eu un état de maison si considérable. Les propos insolents contre la reine se débitaient ouvertement, et comme ils étaient rapportés au Louvre par des espions, les choses s'envenimaient davantage de jour en jour. Malgré les recommandations de sa femme et des commères, Maître Simon ne laissa pas de prendre des rafraîchissements sur la route. Il arriva vers le soir à Saint-Maur, la tête un peu échauffée. Un grand mouvement régnait dans l'intérieur du château. On voyait partout des lumières. Des feux infernaux sortaient par les fenêtres basses des cuisines. C'étaient les apprêts du souper. Le Suisse se mit à rire lorsqu'un paysan lui vint demander à parler à monsieur le prince. Cependant, comme on ne savait point s'il n'apportait pas quelques avis des émissaires de la cabale, les circonstances étant graves, le consigne crut devoir interroger maître Simon avant de lui fermer la porte. Dans ses efforts pour dissimuler son ivresse, le paysan eut précisément l'air d'un homme qui ne veut point dire toute sa pensée. Il parla d'une fille enlevée à laquelle son Altesse s'intéressait, ce qui prit aux yeux du consigne l'apparence d'une commission politique habilement déguisée. Tandis que monsieur le prince et ses 400 petits maîtres se promenaient dans une galerie, échangeaient en paroles non seulement le gouvernement de la France, mais la face de l'Europe entière, la demande d'audience de maître Simon passait de bouche en bouche et montait par degrés depuis la loge du Suisse jusqu'au cabinet du secrétaire. Monsieur de Gourville, confident intime de monsieur le prince, sortit de la galerie et revint bientôt après, riant aux éclats, raconter à ses amis qu'on avait pris un ivrogne pour un agent secret de la cabale. La requête du paysan n'aurait pas pénétré plus loin si la duchesse de Longueville n'en eût plaisanté avec son frère. Les noms de Simon et du village de Saint-Mandé, les mots de fille enlevée frappèrent M. le prince, qui avait une mémoire prodigieuse. Au grand étonnement de Gourville, son Altesse donna l'ordre de faire rentrer le paysan dans un petit salon. Maître Simon, tout ébahi, regardait un lustre orné de 20 chandelles et ne savait en quel endroit marcher, avec ses souliers ferrés, pour ne point gâter le tapis. Une porte dérobée s'ouvrit en face de lui, et il vit paraître un jeune homme blond et petit, mais d'un port tout à fait héroïque et d'un visage singulièrement fier. « Êtes-vous le père de Claudine Simon ?» demanda le prince. « Oui, monseigneur, » répondit le paysan. « Je m'appelle Simon, nourrisseur à Saint-Mandé. »« Qu'est-il donc arrivé à votre fille ?»« Je ne saurais vous le dire au juste, monseigneur. »« Alors, que diable me demandez-vous »« Voici ce que c'est, monseigneur. »« J'étais sorti dès le matin pour aller chez une personne à qui ma femme fournit du lait depuis 24 ans. »« Cela commence à compter, 24 ans. »« Aussi j'espère obtenir une avance d'argent. » car les temps sont durs et la guerre nous a ruinés. « Supprimez ces détails inutiles et allez au fait, » interrompit le prince. « Le fait, monseigneur, » reprit Simon, « le fait important n'est pas qu'un nourrisseur de plus ou de moins soit ruiné, pourvu que monseigneur et le roi, notre maître, se portent bien. J'étais hors du logis, voilà le fait. Je rentrais à la brune et non pas ivre, comme le disent mes ennemis. Que m'apprend-on ? Que ma fille Claudine, mon seul bien, a été vue en habit de soie magnifique avec un bracelet d'or et des pierreries à son bras. Qu'un carrosse gris, comme ceux de Louage, s'est arrêté devant ma pauvre maison, s'en est allé tout aussitôt et que depuis on n'a plus revu ma fille. « Eh bien, mon ami, je ne puis rien à cela. Claudine a manqué à ses devoirs, on l'aura séduite. Je ne doute point que sa vertu n'ait beaucoup résisté. L'amour l'aura emporté dans son cœur sur la scrupule. Il faut de l'indulgence pour les faiblesses des filles. Si la vôtre revient, pardonnez-lui. Je l'excuse et je vous plains, mais je ne puis me mêler de cette affaire. » « Si votre Altesse s'en veut mêler, reprit le paysan, je ne la trouverai point indiscrète. »« J'entends bien, répondit le prince en riant, c'est moi qui ne veux point m'en occuper, non pas par indifférence, car j'aimais Claudine, et j'apprends avec chagrin qu'elle n'est plus sage. »« Pour sage, monseigneur, je n'ai point dit qu'elle ne l'était plus. » »« Maudit homme, ne peux-tu parler catégoriquement? Ta fille a-t-elle été débauchée, oui ou non? Ne viens-tu pas de me raconter qu'elle a quitté volontairement ton logis? Oh, que nenni, monseigneur! Les commères assurent qu'on l'a prise, qui par les pieds, qui par la tête. Est-ce la quitter volontairement un logis? C'est différent. Explique-toi donc. On l'a enlevée de force, et qui est le ravisseur? Je n'accuse personne. Parle sans crainte, sais-tu qui a enlevé ta fille? Plutôt ciel, monseigneur, je saurai où l'aller chercher. Je m'en charge. Retourne chez toi, et tâche d'être sobre, car tes ennemis ont raison de dire que tu bois. Je m'enquerrai de Claudine, et si on l'a détournée par la violence, je ferai poursuivre le ravisseur. Mais je t'avoue que je n'ai guère d'espoir qu'elle soit innocente. Ces robes de soie et ce bracelet d'or ne paraissent pas de bon augure pour sa vertu. Cela me tracasse en effet, monseigneur. Est-il juste qu'une fille ait des bijoux quand son père va vêtu comme me voilà? Je suis un honnête homme, mais quand on m'aura rendu ma fille, en serais-je plus riche? Tu te consolerais donc de sa perte pour de l'argent? Je voudrais ma fille d'abord et puis de l'argent pour me consoler. Maître Simon, dit le prince avec un regard foudroyant, tu es un coquin. Écoute-moi, si tu te joues de ma crédulité, si j'apprends que tu sais où est ta fille et que tu n'as d'autre envie que d'obtenir le prix de son déshonneur, je te ferai rouer de coups de bâton. Le paysan, au lieu de protester contre un soupçon si horrible, se mit à pleurer, à balbutier, en sorte que son Altesse, perdant patience, lui tourna le dos et sortit par la porte dérobée. De retour dans la galerie, le prince raconta en peu de mots à ses amis le sujet de sa conférence avec maître Simon. Parmi ses auditeurs était le président de Bellièvre, l'un des esprits éminents du Parlement, qui prit note du nom de Claudine Simon et promit de la faire chercher par le lieutenant de police. Un gentilhomme qui prêtait l'oreille à la conversation quitta le groupe où il était et s'approcha du président de Bellièvre. « Prenez garde, monsieur, lui dit-il, vous allez découvrir deux gibiers au lieu d'un. »« Deux bucs, dit le prince, vous êtes un mauvais sujet. » « Je gage que vous avez des nouvelles de ma bavolette enlevée. »« Il est vrai, » répondit M. de Bucq, « j'en ai de toutes fraîches. »« La bavolette a pris goût au beau monde. Elle fait aujourd'hui amitié avec Mademoiselle de Lorme, qui lui a enseigné le moyen de bien vivre et de subjuguer les cœurs. Je les ai vues ensemble ce matin, aussi parées l'une que l'autre, sans doute à la suite de quelques parties de plaisir. « Aïe !» s'écria le prince, « voilà ma bavolette à bonne école. Elle n'a plus que faire de ma protection, et je n'irai point la déranger. J'en suis fâché. » J'avais de l'estime pour cette fille, n'y pensons plus. Mais voyons l'autre gibier de Bellièvre. L'autre gibier, reprit de Bucq, c'est un ancien pêcher du feu président de Chevry. Mademoiselle de Lorme avait reçu de ce magistrat un bracelet en perles fines d'une valeur considérable, et ce bracelet figure à présent au joli bras de Claudine. Assez, dit monsieur de Bellièvre, tirons un voile sur les erreurs de la Cour des comptes. Oubliez votre bavolette, monseigneur, et prions monsieur de Bucq de ne point écrire ses mémoires. Maître Simon cheminait sur la route de Saint-Mandé, tandis qu'on s'égayait ainsi aux dépens de sa fille. Pour supporter les reproches sévères du prince, il voulut puiser des forces au cabaret et laissa le reste de sa raison au fond du verre. Claudine, de retour au logis, attendait son père avec impatience. Lorsqu'il arriva, le maudit homme fit 100 redemontades au sujet de son ambassade. Il se vanta d'avoir parlé vertement et captivé l'admiration de tous les petits maîtres. Mais, à travers les fumées du vin, Claudine, à force d'interrogation, finit par obtenir un récit moins embelli de l'entrevue, et devinant tout à coup les odieux soupçons du prince. « Malheureux, dit-elle à son père, vous m'avez perdu par cette fatale ambassade. Je vais sauver mon honneur. Vous venez de détruire ma réputation. » L'ivrogne ne manqua pas de se mettre en colère, et puis il pleura, et se coucha en maugréant contre tout le genre humain. Claudine passa la nuit entière à réfléchir aux moyens de réparer les fautes de son père, mais la réflexion ne fit qu'augmenter ses angoisses. Le mal dont elle n'avait point la mesure lui semblait grandir à chaque effort de son esprit. Un abîme s'ouvrait devant elle, dont ses regards ne pouvaient percer les ténèbres. Dès les premières heures du matin, elle fut chassée hors du lit par des pensées intolérables. Dame Simone, qui l'entendit marcher dans sa chambrette, la vint trouver. Claudine avait repris ses habits de bavolette. « Ma mère, dit-elle d'un air sombre et résolu, je vais partir. il faut que je sache où en est ma réputation. Je ne rentrerai ici qu'après l'avoir reconquise, et si elle doit périr, je succomberai avec elle. N'essayez point de me détourner d'un dessein inébranlable. Je ne vous laisserai pas ignorer le sort de votre fille. Prenez la moitié de cette somme d'argent, achetez ce qui vous est nécessaire, vivez paisiblement, loin de ce monde brillant et trompeur où je me suis follement jeté. » En parlant ainsi, Claudine tirait de leur cachette les louis d'or de Mademoiselle Delorme, en faisant deux parts, l'une pour sa mère et l'autre pour elle, et après avoir plié un petit paquet de linge qu'elle mit sous son bras, elle se tourna vers Dame Simone par un mouvement brusque. « Adieu, » dit-elle d'une voix ferme, « adieu, évitons un attendrissement qui m'enlèverait mon courage. Je retourne là-bas, sur le champ de bataille, et je jure d'en rapporter mon honneur, qui est tombé dans la mêlée comme le bâton de Monsieur le Prince à Rocroi. » Dame Simone, subjuguée par l'accent passionné qui accompagnait ses paroles, demeura muette et immobile. Elle se mit à la fenêtre pour suivre du regard sa fille qui marchait à grands pas dans la direction de Saint-Maur. Au moment d'entrer sous les premiers arbres du bois de Vincennes, Claudine s'arrêta pour jeter un dernier coup d'œil en arrière. Elle porta une main à ses lèvres, agita son mouchoir et disparut.